Cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا بدراسة هذه الرسالة النافعة شرح كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. On commence donc aujourd'hui ensemble l'étude de cette risala, l'explication de Kashf al-Shubuhat de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec l'explication de Cheikh al-Fawzan waffaqahullah ta'ala. Après avoir étudié ensemble le kitab al-Tawhid du même auteur Cheikh al-Islam rahimahullah, Famin al-Munasib, et parmi les livres qu'il faut étudier après Kitab al-Tawhid, هذا الكتاب النفيس, cette risala, كشف الشبهات, أي شبهات لما يتعلق بالتوحيد. Après avoir étudié Kitab al-Tawhid, وتقدم معنا ولله الحمد أن Kitab al-Tawhid c'est un livre dans lequel المؤلف رحمه الله il a détaillé التوحيد. Il a expliqué At-Tawhid. Il a démontré ce qui contredit At-Tawhid. Min al-shirk billahi azza wa jal. Qui annule At-Tawhid bil-kulliya, shirk al-akbar. Ou qui diminue l'iman. Qui ne fait pas sortir l'insan min al-islam. Lakin, c'est très très grave. Shirk al-asghar. Kadhalik, le kitab At-Tawhid, al-mu'allif rahimahullah, il a mis en garde contre al-wasa'il. Et des choses qui pousse à tomber dans le shirk, iyadan billah. Ce kitab qui est très très important, fi hadha al-bab, kitab al-tawhid, après à l'avoir compris, étudié, mémorisé, celui qui a la capacité, min al-munasib, c'est d'étudier al-rudud ala shubuhat al-mushriki. Après avoir compris le tawhid, i'lam anna al-mushrikina qadiman wa hadithan, ay à l'époque de jahiliya, et kadhalik à notre époque, ils ont les mêmes shubuhat, et ils ont des ambiguïtés, des choses qu'ils n'ont pas comprises, et ils ont pensé cette chose qu'ils font min ash-shirk billahi azza wa jalla, c'est pas le shirk. Le Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a écrit cette risala pour répondre. La Kashf al-Shubuhat, c'est min kutub al-rudud, al-rab, ala al-mushrikin. Rahmatullah alayhi, on va étudier ensemble, wa nas'alullah azza wa jalla al-tawfiq wa al-sadat. Vous allez voir qu'il va citer al-shubha et l'ambiguïté qu'ils ont. Mathalan, anna ce mort qu'ils invoquent min dounillahi azza wa jalla, c'est une wasita faqat, un intermédiaire. Mais ils savent que c'est Allah le créateur et ils aiment Allah ila akhirah. Lakin, vu qu'ils ont des péchés, vu qu'ils sont muqassir, ils demandent à ce mort pour que ce mort demande à Allah azza wa jalla. Limadha? Li'anna ce mort il est mahboub inda Allah. Un wali min al-awliya kama yaz'um. Hadhihi c'est une shubha, c'est min a'zam shubuhatihim. Al-mu'allif rahimahullah va répondre à hadhihi الشبهات dans ce livre. C'est un kitab muhim jidda. خاصه cette époque où on vit. ان انتشر الشرك في كثير من البلدان وكذلك كثير من العوام يظنون ان بعض الشركيات qui font comme le fait de demander aux morts ou sacrifier pour la tombe. يظنون ان هذا c'est من انفع العبادات. Ils pensent que c'est une qurba, c'est une chose qui les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. كثير من هؤلاء يفعلون ces choses لأنهم لا يعلمون. C'est très très important à notre époque que طلبة العلم خاصة والمؤمنون عموما يعني تندو لامبورتونس ا سو جونغ دو كتب. هذا الكتاب والذي تقدم كتاب التوحيد دعوة جميع الرسل والأنبياء. جميع الرسل ils ont appelé à التوحيد, ils ont mis en garde contre الشرك, ils ont mis en garde contre شبهات المشركين. Celui qui veut comprendre دين الله كما أنزله عز وجل وكما بلغه الرسل عليهم الصلاة والسلام, لكن donne de l'importance à ses fondements, à التوحيد. Et le mettre en application et faire da'wah et shirk pour mettre en garde et s'en écarter. Et min anfasul kutub, on répète, parmi les meilleurs livres dans ce sujet at-tawhid et kadhalik bayan khuturat ash-shirk, kitab at-tawhid est ce livre. Qu'est-ce que je veux dire? Celui qui maîtrise kitab at-tawhid, celui qui apprend adil, qui apprend les preuves min al-Qur'an wa sunnah par cœur et qui les comprend, qui met en application. Et sa da'wah est fondée sur هذه الأدلة, وبإذن الله عز وجل فيها خير عظيم. كتاب التوحيد وكشف الشبهات. والمؤلف رحمه الله, c'est un résumé de cette رسالة. المؤلف أولا, il a commencé par une مقدمة, une introduction. Dans cette introduction, il a montré الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المشركين. Et ça c'est très très important. توحيد المرسلين أي التوحيد أكل الأنبياء طول المساجد طول البروفات يزن أبلي. فما قال جل وعلا, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا توحيد الأنبياء والمرسلين depuis l'époque de Nuh jusqu'à notre prophète محمد صلى الله عليه وسلم, ils ont tous appelé à ce توحيد. وتوحيد المشركين, شيخ الإسلام il te montre la différence. لماذا؟ لأن بعض الناس ils pensent le fait de reconnaître, de croire en Allah Azza wa Jal, c'est le Khaliq, ça suffit. وهذا التوحيد المشركون لمن reconnaît. فما قال جل وعلا, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. يعترفون, ils reconnaissent que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Malgré cela, ils ne sont pas rentrés dans l'islam. La preuve, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus et il leur a ordonné de dire la ilaha illallah. Ça montre que le fait de croire, de reconnaître que Allah il a tout créé, ça suffit pas. C'est important et c'est un fondement de notre din, mais ça suffit pas pour être un musulman. La bud min tahqiq tawhid al-anbiya wal mursalin an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut. Adorer Allah seul et s'écarter du shirk, c'est ça at-tawhid as-sahih. إلا ذا إبليس إلا جامي بخيتندو أنه الله إلا باكخي. لا, خلقتني من نار وخلقته من طين, أنا خير منه. قال إلا ركني أن الله إلا كخي, بل إلا بخيتندو أنه إلا ميور كادم. لماذا؟ لأن الله إلا كخي من نار. فمور كإبليس يساني كو الله ستل كخاطر, مع أنه سأكفر الكافرين. إبليس عدو الله. Cheikh al-Islam, le premier point, le début de la Rizala, il va démontrer la différence entre Tawhid al-Mursalim et Tawhid al-Mushrikin. Et là, c'est très très important. Et en fait, on l'a étudié ensemble, dans Al-Qawaid al-Arba'a, et كذلك dans Kitab al-Tawhid. Si tu as compris ça, Cheikh al-Islam, dans la Muqaddimah, il va citer deux fawa'id. Fa'idatan azimatan. La première, al-Farah, bini'matillahi azza wa jalla. Et celui qui arrive à faire la différence entre Tawhid al-Mursalin, Tawhid al-Mushrikin, il met en application et s'écarte du shirk, il a fait ni'matin azima. Il est frach vidalik. Ou yashkur Allah. On doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et reconnaître qu'on est dans une ni'ma. Cheikh al-Islam, il va citer ça. Ça, c'est très très important. La deuxième fa'ida, al-khawf min mukhalafati hala tawhid. Si tu as compris cette différence entre Tawhid et Shirk, entre Tawhid al-Mursalin et Tawhid al-Mushrikin, ça va te pousser à avoir peur de khalif hada Tawhid. Limada? Li'an al-Mushrikin yawm al-Qiyama, ils seront fin nar. Wala yakhrujuna minha abadan. Et celui, عياذا بالله, qui fait du shirk akbar et qui meurt à la hada shirk, il ne rentrera jamais fil jannah. Il sera éternellement en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. وَلَا يَشْفَعْ فِيهِ أَحَدٍ. Il n'aura pas le droit à l'intercession. Toutes ses œuvres, elles ne sont pas acceptées. Ça, c'est une musiba azim. L'insan, il perdra tout, عياذا بالله, celui qui meurt à la shirk al-akbar. Donc, deux fawa'id. Al-farah bi ni'mati al-islam wal-iman wal-tawhid. Et الخوف من الشرك والتنديد والكفر. هذه هي مقدمة شيخ الإسلام. وتأملوا العلم. أنا شيخ الإسلام. Avant de rentrer dans le sujet, citer les shubuhat et démontrer la gravité de ces shubuhat et répliquer, réfuter avec les preuves. أولا يسيت cette مقدمة. Avant d'expliquer les shubuhat, tu dois bien comprendre c'est quoi التوحيد et c'est quoi الشرك. حتى tu comprends هذا الكلام. فلهذا كثير من العلماء insist أن avant d'étudier كشف الشبهات le mieux ce qui est recommandé c'est de commencer par l'étude de كتاب التوحيد. لماذا؟ لأن هذه الشبهات pour les comprendre il faut déjà comprendre التوحيد. فإذا تحقق التوحيد في قلب العبد il a bien compris التوحيد, il a mémorisé les preuves et il sait les différences entre الشرك أكبر الشرك أصغر. Et il connaît Hujjat al-Mushrikin, qu'est-ce qu'ils prétendent. Il a avec cette étude des Kashf al-Shubuhat, ça va lui rajouter du ilm ala ilm. Amma, directement lire Had al-Kitab sans avoir de connaissances, fit tawhid, khasatan seul, sans mudarris, sans professeur, sans shir, qui montre, qui explique. Alors, vous allez, une sainte, certaines Shubuhat, il aura du mal à comprendre la réponse du shir. L'imad, il y a shir, Had al-Kitab, il ne détaillera pas tout. Il a déjà détaillé dans Al-Qa'id al-Arba. Quatre règles, et c'est beaucoup sur la différence entre Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Mushrikin, Tawhid al-Mursalin, alayhim al-Salatu al-Salam, كذلك كتاب Tawhid, il a détaillé هذه الأبواب. فالتدرج في العلم, c'est مهم pour comprendre. Cheikh al-Islam, على كل حال, il a cité cette muqaddima. حتى celui qui n'a pas étudié Tawhid avant, فبهذه المقدمة خير. خاصة, c'est l'insan qui l'étudie عند عند شيخ متمكن في هذا الباب. Il va récapituler beaucoup de مسائل qui sont cités dans d'autres livres في هذه المقدمة. ثم avant d'étudier الشبهات, les ambiguïtés, les réponses, الطالب, celui qui assiste, celui qui écoute, celui qui lit, Inch'Allah ta'ala, il sera à la khayr. Après cette مقدمة نافعة, شيخ الإسلام, il va citer ou il va réfuter ces شبهات. Et cette réfutation, elle est divisée en deux. En deux parties, va répondre, rahimahullah. La première partie, un rab mujmal. Il ne va pas répondre à chaque shubha au départ. Au départ, il va répondre, lakin min hayth al-ijmal. Il va citer une réplique globale, sans détail. Et il va démontrer une des causes qui a fait que haoulay, ils se sont égarés, annahum, ils ont pris des ayats mutashabihat et ils ont délaissé l'ayat al-muhkamat. Malgré leur shirk, tu verras dans cette étude, Inch'Allah, et on a déjà vu ça ensemble, ils vont prendre comme argument certains versets du Coran, al-Karim, ou certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, la yafhamoun. On a déjà répété, al-dalil, c'est très très important, lakin ce dalil, il faut qu'il soit à sa place. Et pour qu'il soit à sa place, il faut revenir à Ahl al-Ilm. Amma ba'd al-Mushrikin, pour faire du shirk, il cite des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La Cheikh al-Islam, awwalan, il va citer un rad mujmal, une règle, une base. Thumma, deuxième partie, jusqu'à la fin du livre, jawabun raddun mufassal. Il va répondre shubha après shubha. Ash-shubhatul ula. Je vous donne un exemple. La première shubha. قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا خالق إلا الله إلى آخره ولكن qu'est-ce qui va dire ce mushrik? C'est la shubha. ولكن أنا مذنب أي je suis ضعيف, je fais beaucoup de péchés. والصالحون لهم جاء عند الله. Alors que ce pieux, ce prophète, ce savant, cet homme pieux, ce wali, Allah il l'aime, Allah il est satisfait de lui, il a un khalif. Qu'est-ce qu'il va dire ce mushrik? Iyadam billah, il va demander à cet homme pur, à cet homme, ce salih que Allah subhanahu wa ta'ala il aime, pour que cette demande elle soit acceptée. Ay, هذا المخلوق, ce bachar, cette créature, c'est un intermédiaire. Shubhatun azim. C'est pour ça que le Cheikhoul Islam il a cité au départ, et c'est la shubha la plus répandue, la plus importante. Ayyadam billah. Il va détailler, il va répliquer, réfuter avec des preuves. Thumma, الشبهه الثانيه deuxième شبهه il va la citer هذه الايات نزلت في من يعبد الاصنام شبهه تقدمت معنا في القواعد الاربعه et vont dire on a tous ces versets que vous citez ces hadiths que vous citez contre le shirk c'est sur ceux qui adorent des statues اما نحن on n'adore pas les statues نحن on aime les salihun on aime Allah et on demande que cet homme pieux demande à Allah. Mais ils vont dire à l'mushrikir, ils font soujoud pour une pierre, pour une statue, il a après. Cheikh l'Islam, il va répondre. Ou hakada, la troisième, la quatrième, et il a cité une quinzaine de shubha. Naam. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nabbaha, un tambih muhim, ne pas croire que quand l'ulama il répond à des shubhat, il répond à toutes les shubhat. Les annal mushrikin, ils ont des choubas. Vu qu'ils fonctionnent avec la raison, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choubas qui n'existaient pas à l'époque de Cheikhoul Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. À ne pas croire que Cheikhoul Islam, il a cité toutes les choubas et il n'y a que ce choubas. Là, vu que Haoulaz des Aqlaniyoun, ils fonctionnent avec la raison, il y a des choubas que Cheikhoul Islam, il n'a pas cité. Là, que ces choubas qu'il a cités, c'est la base. Et même s'il y a une nouvelle shubha ou des idées répandues, en général, ça rentrera ce livre, c'est des règles fi tawhid et des règles pour répliquer contre al-mushriki. Al-inayatu bih. Ce genre de livre, comme on a cité fi kitab tawhid, c'est pas un livre que tu vas lire une fois, faqat khassatan avec une traduction. L'insan, ربما سيستفيد بعض المسائل. لكن هذه الكتب c'est des bases, c'est des règles fondamentales dans notre din. Il faut les étudier en langue arabe. Celui qui ne maîtrise pas la langue arabe, à l'aqal, comme on fait ensemble avec les deux langues, avec un support en arabe, avec kalam ahl al-ilm. Et celui qui a appris kitab tawhid par cœur, walillahi alhamd, ça lui suffit. Adillah, il les aura fait kitab tawhid. Fafi hadha al-hal, tu n'as pas besoin de l'apprendre par cœur. Lakin, turakiz. Et tu comprends bien la shubha. Il y en a avant de comprendre la réfutation, la réplique, il faut comprendre la shubha. Ah, si l'initial n'a pas compris shubha, il lit la réplique, alors il va croire que c'est une réfutation, une chose qu'il n'a pas comprise, et c'est très très grave. Et vous allez voir que le kalam il est très simple. Walillah alhamd, Cheikh l'Islam, rahimahullah, la plupart de ses livres c'est avec un uslub sahl, tayyib. Alhamdulillah, هذه nubda. مختصرا عن aperçu global de cette risala كشف الشبهات وشيخ الفوزان حفظه الله تعالى له مقدمة نافعة on va pas la lire depuis le début il y en a depuis le début il a cité une brève biographie de شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله on l'a déjà détaillé مع بعض الإخوان et on l'a propagé ولله الحمد لكن نقرأ à partir de quand Cheikh al-Bouzar, Havidallah, il cite al-Mu'allafat, les livres de Cheikh al-Islam, et il va parler de Keshf al-Shubuhat. Quand Cheikh al-Bouzar, Havidallah, ta'ala, allafa al-Sheikh al-Kutub, wa a'zamuha kitab al-Tawhid al-Ladhi huwa haqqullahi ala al-Abi. C'est Anfas Kutub al-Sheikh. C'est le livre le plus profitable que Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a écrit Kitab al-Tawhid. Et كذلك كشف الشبهات. قال ومن مؤلفاته هذه الرسالة كشف الشبهات التي نحن بصدد شرحها إن شاء الله تعالى وهي عبارة عن رد الشبهات التي أثيرت حول دعوة التوحيد التي قام بها الشيخ. وهكذا أعداء الإسلام. Quand il y a du khayr dans un endroit, quand un savant il appelle au tawhid, il appelle à la sunna et il propage hadal khayr, a'da'ullah, a'da'ul islam, junud iblis, ils font tout pour salir cette da'wah. Ils ont accusé Cheikhoul Islam. Et là, ils accusent sa descendance, ses élèves, tous les musulmans qui profitent de sa da'wa. Ils les accusent d'être des wahhabis, des wahhabites. Tout ça pour ça, les wahhabites da'wa. Les mêmes. Les anna'a'da Allah. Ils savent très bien que le cheikh, c'est un mujaddid. Il est venu. Cheikhoul Islam, vous avez remarqué que ces livres, il appelle le Coran à la Sunna. Kitab Tawhid taqaddam ma'ana. Aya ou hadith. Falihada yat'anounhi. Lianahum issav anna si. Wa qadrabahu ma shafa'al. Wallahi la une hikma badra. Annahu hadhi ta'wan tasharat bisura. Ils savent très bien, Nahum, s'ils laissent sans mentir, sans accuser, sans déformer, Annabi ibn al-Hadi ta'wa, ça t'entachera encore plus. Falihada, ils font tout pour la stopper avec des accusations et des mensonges. Et quand le Cheikh l'Islam, quand il a appelé Hadi Da'wa, il a démontré le Tawhid, il a appelé, ils avaient des choubahs, ils ont cité des choubahs, et ils ont accusé Cheikh l'Islam de kafar al-Muslimin. Et ils ont dit, nous, on n'est pas des mouchriquins, pourquoi? Et ils avaient plusieurs arguments. Cheikh l'Islam, il a répondu dans cette hadhihi risala, kashf al-choubahat, ay kashf choubahat al-mouchriquins. قال والمراد بالكشف إزالة الغطاء عن الشيء مثلا أنت المرأة أو تكشف وجهها إذا دخلت البيت هذا كشف الوجه أي quand la femme elle enlève son niqab مثلا أي elle a découvert son visage فالكشف c'est découvrir حتى الشيء يظهر مثلا la femme qui enlève son niqab qui se découvre فوجهها سيظهر il va apparaître. فكشف الشبهات أي أن شيخ الإسلام رحمه الله il a écrit ce livre لماذا pour éclaircir montrer dévoiler ces شبهات montrer que c'est باطل montrer الحق et بإذن الله عز وجل enlever التلبيس التشويه قال حفظه الله قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك والشبهات جمع شبهة وهي الأمر المشتبه المختلف الذي لا يدرى هل هو حق أم باطل. فسا إن شبهة. Vous connaissez le mot شبهة. التشبيه تقدم معنا كثيرا في العقيدة. Et ça veut dire faire ressembler. On dit فلان يشبه الفلان. Et فلان il ressemble à فلان. فالشبهة est traduit par ambiguïté, équivoque إلى آخره. لكن en arabe الشبهة le pluriel c'est شبهات. Ou shubha, ça vient du mot shabbaha ou yushabbihu. Ça vient de ce mot, ay anna cette shubha, elle va ressembler au haq. Il y en a, tu as trois choses. Tu as al-haq al-wadih, tu as al-batil al-wadih. Tu as la vérité qui est claire. Tu as le batil qui est clair. Et entre les deux, tu as al-shubha. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna al-halal bayyin. وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات مشتبهات أي ça pour certaines personnes ce n'est pas clair ça ressemble au حق لكن c'est pas le حق مثلا le meurtre c'est pas une شبهة tout le monde sait que le meurtre c'est حرام بغير الحق même le كفار المؤمنون الكفار المنافقون tout le monde rejette هذا le meurtre c'est pas une شبهة c'est حرام faire الصلاة c'est مشروع il n'y a aucune chouba. Faire siyam ila akhir. Certaines choses, c'est entre les deux, c'est une chouba. Et kathiran, ces chouba, en fait, c'est du haram. Falihada, il a cité al-dalil, l'aqra, qala, wa minhu qawl al-rasul, sallallahu alayhi wa sallam, inna al-halal bayin, wa inna al-haram bayin, wa baynahuma umurum mushtabiha, la ya'lamuha kathirun minal nas, fa man ittaqa al-shubuhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdih, ومن إلى آخره لا بسيط إلى فنجو الحديث ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام لهذا الإنسان fait attention والشبه العلماء ils démontrent que cette shubha on dira plus le mot ambiguïté ou équivoque on explique au départ hein, vous savez c'est quoi une shubha comme d'habitude pendant le dolos on s'efforce à parler arabe certains les mots qui reviennent souvent comme ce mot shubha shubhat et on s'habitue à les dire en arabe. Vu que l'âme, on a compris, on n'a plus besoin de dire le mot ambiguïté ou équivoque. Même si on le dit ahyana, c'est pour se rappeler, Rubbama, il y a des nouveaux, il a akhri. Wa illa al-nasiha, on a déjà conseillé beaucoup bihada, s'habituer à dire ces mots. Si tu as compris le mot shubha, tu n'as pas besoin de dire ambiguïté. Khasatan entre vous qui connaissez ces mots, il a akhri. Mais si tu expliques à nouveau, il ne sait pas l'échec. Mais pour avancer en arabe, habituez-vous à utiliser ces mots, à formuler des expressions en langue arabe, et inshallah on avancera. قال شيخ البوزان المشتبهات هنا المراد بها الأمور التي لا يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام لسبب تجاذب الأدلة فيها ولا يعلمها إلا الخواص من أهل العلم. Ça ça montre l'importance de revenir aux savants de l'islam. لماذا لأن cette شبهة ça ressemble à la vérité لكن c'est pas la vérité. Et العوام ils ont pas la قدرة. C'est pour ça que ces شبهات في التوحيد كثير من العوام. Peut-être que la cause qu'ils ont khalif et tawhid, c'est une de ces choubahs. Dimana li annahum, ils n'ont pas le qudra. Nastafid ma'ala nahnu annas, c'est notre rôle, à nous, qui essayons de faire des efforts fi tawhid et d'apprendre ces masa'il pour pouvoir répondre. Hatta on montre à haoula, à nos parents, à nos frères, nos sœurs, à nos proches, à nos voisins, il a akhri. Akrab fal akrab. Pour montrer. لماذا لأن الشبهة بعض الناس يفكر que c'est le haq et ils ont pas la قدرة. أما أنت si tu as compris tu leur simplifies tu leur facilites tu leur montres إن شاء الله يحصل خير كثير. قال شيخ البوزان فالشبهات هنا المراد بها الأمور المشتبهة التي فيها التلبيس والتغطية والتمويه على الناس يظنونها حقا وهي ليست بحق. Et on a cité la première شبهة. فمثلا la première شبهة بعض الناس ils ont cette choubha. Si je demande à ce mort, ماذا يقولون؟ يقولون في الحقيقة, je ne suis pas prosterné devant une statue. Je n'ai pas demandé à une pierre ou à un arbre. Là, c'est une demande et je l'ai fait à un homme pieux. Cet homme pieux, pour eux, c'est une choubha. Ils font la différence entre une pierre, un arbre, une statue et l'homme pieux. Pour eux, tu n'as pas le droit de demander à un arbre maintenant ou une pierre. Pour eux, c'est du shirk, c'est shirk. Kuffar Quraysh. Et ils pensent que l'homme pieux, ça sort de là. C'est une chouba. لماذا لأن l'homme pieux représente l'islam. Peut-être que c'est un savant d'islam, mais peut-être que c'est un prophète. فعندهم, tu ne peux pas faire du shirk en demandant à un prophète. Alors que là, il n'y a aucune différence. Min hayth, l'interdiction de demander. قال عز وجل وأن المساجد لله. فلا تدعو مع الله احد. Ce Nabi lui-même, il t'a interdit de demander à autre qu'Allah. Lakin c'est une choubha. عند العوام pour eux c'est une forme de respect. Il a akhri, fa il dit c'est pas pareil. C'est une choubha. Anta en tant que talib ilm, en tant que muwahhid qui a compris ces masa'il wa lillahi alhamd, tu leur montres billati hiya ahsan. Anna est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a autorisé hada? Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné hada aux compagnons? Est-ce que ce mort, même si c'est un Nabi, est-ce qu'il peut répondre? Pourquoi tu ne demandes pas Allah Azza wa Jal? Et tu lui cites les versets du Coran Karim, et tu lui montres les bienfaits du Tawhid, tu lui montres la gravité du shirk. Et Inch'Allah, yahsul khayr kathir. Cheikh al-Islam, rahimahullah, al-Mu'allif, Muhammad ibn Abdul Wahhab, Tamimi, rahimahullah, lama bada'a fi da'watihi fi Najd, fi al-Hijaz ila akhirih, كثير من الناس ils étaient revenus au shirk. Ils adoraient les arbres, les tombes et l'akhir. كثير من الناس ils étaient revenus comme ils étaient Quraysh. في الجزيرة مكة والمدينة والحجاز ونجد. لكن الله سبحانه وتعالى جدد هذا الدين avec cet imam. Et c'est quoi? Alors sa da'wah était basée sur quoi? Sur l'usul al-thalath. Sur l'qa'id al-arba' كشف شبهة كتاب التوحيد. نواقض الإسلام. C'était sur ça. Enseigner, répéter dans les masajid, dans la rue. Les enfants, dès le plus jeune âge, ils apprenaient quelques années. Wallillahi alhamd. Andur al-an al-mujtama' fi al-Hijaz wa al-Najd. Aïe, le mamlaka al-arabiya al-sa'udiya. Kathirun min al-nas, wallillahi alhamd, huna, ils aiment tawhid et détestent le shirk. Bel, c'est interdit dans leur loi. Li'annahum yahkumuna bi al-shari'a, wallillahi alhamd. C'est interdit de faire du shirk, huna. Interdit d'avoir une tombe, interdit d'aller voir un sorcier. لماذا؟ لأن الدولة elle a été fondée sur Kitab al-Tawhid, sur Kashf al-Shubuhat, c'est la Akhir. Ça nous montre, ah non, on ne désespère pas. Cheikh al-Islam, au départ, il était seul. Et on a étudié avec certains frères la biographie. Je vous conseille de la lire, de ce livre, Sharh Cheikh al-Wuzaf. Il l'a résumé. Cheikh al-Islam, au départ, il était rejeté par les chefs des tribus. Au début, personne ne voulait l'accepter. Il en a pour eux, il a emmené un din, jadid, comme on l'entend. Il a emmené un nouveau din. Il a patienté, il a écrit le premier livre qu'il a écrit, c'est Kitab al-Tawhid, la base. Allah subhanahu wa ta'ala nassara avec l'amir Salih Muhammad al-Saoud rahmatullah alayh. Et Allah subhanahu wa ta'ala yaf'al ma yurid. Et là tu vois le khair, walillahi alhamd, il est répandu sur la dunya bi'idhnillahi azza wa jal, thumma bi sabab da'wat hadha al-imam. Ça nous montre, non, patiente pas, montre, écris, bayin, parle, tant que tu as du ilm, tant que tu sais, tu connais ton sujet, yahsul khair kathir. Il y en a parmi les choubouhad, ayyadam billah, penser que je vais parler, mais ça ne sert à rien, personne ne m'écoute. Même qalal. Est-ce que c'est toi qui guides les cœurs? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide les cœurs. Tu as une cause, peut-être que tu vas dire une kalima, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut guider Foulan avec ton kalam. C'est tout. Manahnou, on est des orafas, des masakins, là, qu'il montre. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al al-khayr dans un de tes livres, ou un de tes discours, un de tes doros. Hada. قال رحمه الله والمراد هنا كشف ما كان عند الناس من شبهات حول عبادة القبور والاستغاثة بها التي عمت كثيرا من بلاد الإسلام من بعد القرون المفضلة. شيخ الإسلام va répondre, il va accentuer sur ce sujet, عبادة القبور, ceux qui adorent les tombes. لماذا? Et là c'est le shirk qui répondu là à l'époque de Cheikh al-Islam et jusqu'à nos jours. C'est ce shirk qui est répandu et ces choubouhats qui sont répandus autour des tombes. Ah, c'est un wali. Anna, je ne suis pas. Yaqulun hakada. On n'est pas des mushriki. Ni malali, Anna, c'est un wali. On n'adore pas une statue. Qala, haythu udkhila fil islam ma laysa minhu. Wa dhalika an tariq ash-shi'a wal mutasawwifa. Ces deux groupes égarés qui ont propagé le shirk, qadiman wa hadithan. Ash-shi'a ar-rawafid et As-Sofiyya. Ces deux groupes, ils propagent Al-Shirk et la Yom Al-Had. C'est pour ça que tu trouveras ces deux groupes. C'est Min Ashad Al-A'da par rapport à Da'wat al-Tawhid. C'est pour ça que ces deux groupes, ils détestent Da'wat Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. C'est pour ça que ces deux groupes, ils détestent Da'wat al-Tawhid, le même local arabie saoudien. Ces deux groupes, ils détestent les savants de l'Ahl-Sunna, As-Salaviyoun, l'imam, ils appellent à hada al-khayr, hada al-tawhid. Vu que ha'oula, leur ta'wa est basée sur shirk, ou zandaqa, ou l'inihraf, ils détestent celui qui les contredit et qui répond à leur choubah. Qala fahumu alladhina tasabbabu fi nashr hadhihi shubuhat, ou hadhihi shirkiyat allati intasharat fi bilad al-islam, bi hujajin wahiyah, wal juhal yadhunnunaha haqqa. Al-juhal, ils pensent que c'est du haqq. Ils n'ont pas d'aide. Wa illa, vous allez voir que ces choubahs, elles sont hazila, da'ifa, elles reposent sur rien. Lakin, l'insan, quand il ne donne pas un minimum de son temps, fa'iyadam billah, cette choubah, pour lui, elle devient mitla al-jabal. Wa illa, Cheikh al-Islam, très simplement, il a répondu, wa kam min al-nas, bi idnillahi azza wa jal, raja'u, wa tabu, ils ont délaissé ces choubahs. قال فيقولون إن هؤلاء الموتى عباد صالحون ولهم مكانة عند الله ونحن أناس مذنبون فهم يتوسلون بهم ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله في غفران الذنوب ويتقربون إليهم. Ça c'est la première choubha qu'on verra ensemble inshallah ta'ala. Et c'est la plus grande choubha qu'ils ont. Cet homme qui vont invoquer, ils vont faire tawaf autour de sa tombe, ils vont lui demander min dounillah. Pour eux, c'est un homme pieux et c'est un intermédiaire. Annahum, ils savent que c'est pas le créateur. Ils savent que c'est pas lui qui guide la rida. Qu'il lui demande pour qu'il demande à Allah. L'imad, les Annahum, eux, ils font des péchés la rida. Et cet homme pieux, Allah, il l'aime. Hadi yashubhatuhum. Et inshallah, yati ma'ana al-jawab. قال وبسبب ذلك تغيرت عقيدة التوحيد عند كثير من الناس من عهد بعيد بعد المئة الرابعة ومضي القرون المفضلة حتى قيض الله لهذه الأمة علماء يكشفون هذه الشبهات. ومن أبرزهم شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية الذي قام ودحض هذه الشبهات ووضح للناس عقيدة التوحيد، وكتب في ذلك الكتب النافعة وبين عقيدة السلف الصالح وسجلها في كتبه مدعما مسائلها بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ودحض هذه الشبهات. C'est pour ça que tu trouves ces deux groupes, الشيعة الروافض والصوفية الخرافيون القبوريون تتس شيخ الإسلام ابن تيمية. واعلم أن المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله استفاد كثيرا من شيخ الإسلام. Il a beaucoup profité de ses livres. Il est venu des siècles après lui, mais il a profité de ses livres. Cheikh al-Islam, il a répondu à ces deux groupes. Kathira, al-Rawafid et al-Soufiya. Et son livre, Minhaj al-Sunnah, c'est un burhan ala hada. Et d'autres livres, Radda alayhim bi-Kubwa. قال ثم تلاميذه كالإمام ابن القيم في كتبه والإمام ابن كثير والإمام الذهبي والإمام المزي وجاء بعدهم الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله إلى أن وصل الأمر للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هؤلاء مجددون، هؤلاء أئمة، هؤلاء يزون في كبخوباج دعوة الرسل. فهنا إلى سيدة عن إكزام مدرسة شيخ الإسلام لتيمية tous ses élèves, Al-Hafid ibn Kathir, Al-Hafid ibn Al-Qayyim, Al-Hafid al-Zahabi, ses élèves c'est des Huffaz, Al-Hafid ibn Rajab, ses élèves c'est des A'imma, Kibar. Ça montre quoi de Cheikh l'Islam, rahimahullah. Et هذه دعوة الأنبياء والرسل, elle est venue jusqu'à que Cheikh l'Islam il a profité de leur livre. Et il a propagé هذه الدعوة. أما الكذب qu'ils inventent, الوهابية, إلى آخر, c'est du كذب pour écarter les musulmans de leur dîme. إلا شيخ الإسلام سان إمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سان إمام من أئمة السنة إلى بائنوبي ولله الحمد dans ses كتبs il appelle au حق بالتي هي أحسن برفق. لكن هكذا أهل الباطل ils font tout pour salir دعوة أهل الحق. قال فتلقى هذه العقيدة بقوة وقام بالدعوة إليها والجهاد في سبيلها حتى استنارت بهذه البلاد ولله الحمد أي السعودية وامتدت إلى البلاد المجاورة وفي مصر في مصر والشام والعراق وحتى في بلاد فارس عند أهل السنة وامتدت إلى الهند وإلى المغرب وإلى كثير من البلاد ولله الحمد حتى في أوروبا حتى في أمريكا حتى في بلاد الكفر ولله الحمد. كثير من المسلمين استفادوا من دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ses élèves, sa descendance de nos jours, شيخ بن باز رحمه الله وغيره. Ces kutub, ils sont enseignés partout. Walillahi alhamd. Ça, ça nous montre que l'insan, il fait du khayr. Et Allah, il est à la kulli shay'in qadir. Cheikh l'Islam, il est mort il y a plusieurs siècles là. Et sa da'wa, elle s'est propagée. قال فمن أراد الله له الخير فإنه تأثر بهذه الدعوة المباركة وعرف أنها دعوة حق فاستجاب لها وأيدها وقامت الحجة على المعاندين ولله الحمد والمنة وزالت عن بلاد معالم الشرك والوثنية وعوائد الجاهلية بإذن الله عز وجل. لا كوز هذه الدعوة أن المملكة العربية السعودية طهروها اللي نتوي هذا الشرك. يا pas de tombes qui sont adorées, y a plus de sorciers, y a pas d'arbres, y a pas de cailloux qui sont adorés min دون الله. Toutes ces خرافات ils les ont éliminées بتوفيق الله عز وجل ولله الحمد. Ils ont combattu ces deux groupes, الصوفية والروافض. Et ils ont préservé leur dîme بإذن الله عز وجل. Et كذلك ils ont fait du خير aux autres. Que ce soit في المشرق أو في المغرب. ولله الحمد. هذه مقدمة نافعة. هذا الكتاب سان كتاب نفيس جدا. قال فيه العلامة الشيخ سليمان بن سحمان رحمة الله عليه كما في الضياء الشارق وكان كتابا عظيما أو عظيم النفع أي كشف الشبهات على صغر حجمه جليل القدر إن قمع به أعداء الله وانتفع به أولياء الله. مع أنها رسالة خيكور لأن الآن نوس كوناس الشرح لشيخ الفوزان وإلا ستبخون لرسالة كشف الشبهات أي لنبخين دان بتي ليبغي كالكو باج والله سبحانه وتعالى جعل فيها بركة. Ça nous montre que l'Ibra, ce n'est pas une kathra de kalam. Ou que le livre soit épais. Ou beaucoup de masa'il. Là, l'Ibra, c'est le haq. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il met le baraka dans le haq. Qala fassara alaman. Yaqtadi bihi al-muwahidoun. Wassalsabilan. Yaruduhu ou yariduhu al-muhtadoun. C'est devenu un asl kabir dans le tawhid. Ma min talib l'an. Ma min muwahid wa lillahi l'ham. Il donne de l'importance à ce livre, il le lit, il l'explique, il le traduit, il l'étudie, il l'enseigne. Walillahi alhamd. Qala wa min kawthrihi yashrabun wa bihi ala a'da'illah yasulun. Falillah ma anfa'ahu min kitab wa ma awdah hujajuhu min khitab. Lakin liman kana dha qalbin salim wa 'aqlin rajihin mustaqim. Fa ni'ma 'azima. Lakin kama qala Sheikh Sulaiman Nusahman, rahmatullah alayhi. On a pour profiter de ce livre, il faut un qalb salim. Et salim min al-shirk, et accepter le tawhid. Wa aqlin rajih mustaqim. Amma al-mu'anid. Léana ba'd al-mushrikin, ils ont lu ce livre. Min al-rawafid, min al-sufiyah. Et pour eux, c'est du mensonge. Limada. Léana hum, ils sont malades. Leur cœur, il est malade. Cheikh al-Islam ibn al-Qayyim, rahimahullah, il compare les cœurs à une terre, mazra'a. Cette terre, pour qu'elle accepte l'eau. Et pour que les graines elles poussent et les gens ils profitent, il faut que cette terre elle soit cultivable. Il faut qu'elle soit travaillée, il faut qu'elle soit nettoyée, il faut qu'elle soit arrosée. Hakad al-qalb. Le qalb mali'un bil shirk. Et il lit ce genre de rasail que pour contredire, que pour trouver une faille, que pour mentir. Voilà, yastafid. Pourtant, il y a des versets du Coran, il y a des hadiths du Prophète, mais là, qu'il y a yastafid. Et pour nous, c'est une faïda awimana. Si tu veux profiter du ilm, akhil karim. Que ce soit un livre, que ce soit un dars, écoute biniyatil istifada. Fais attention à une maladie qui est répandue en al-ba'd. Ils lisent ou ils écoutent pour trouver des erreurs. Ayyadam billah. Ils vont écouter l'explication d'un frère de Hadi Risala et ils n'écoutent pas Hadi Yastavid. Là, qasdou, c'est de trouver une erreur. Et Rabba Mahyanan, il a trouvé une chose qui pense être une erreur. Fayatiru biha. Wayafrah, wayanshur. C'est pour ça l'ilm. S'il y a vraiment une erreur, là. Si tu connais le shir, enfin, non, c'est, ah, si c'est un frère en parle, tu lui montres, et ou tu veilles, tu propages. Cette chose qui est propagée dans tel livre, dans tel audio, c'est une erreur. Bil adilla bil rifq, walhamdulillah, il nastavid. Cette maladie, en al-ba'd, il veut absolument que Founani se trompe, ou le faire tomber. Kif, c'est yastavid, hein. Fa ammal hadha al-kalam, qala, lakin. Et celui qui veut profiter de ce livre, et al-Haqiqa, c'est pour tous les livres, pour tous les audios. Lakin liman kana dha qalbin salim. Celui qui a un cœur salim. Salim, ça veut dire, il est pur. Ay salimun min al-shirk. Wa salimun min al-qasd al-sayyi. Il n'a pas une mauvaise intention. Wa aqlin rajih mustaqim. Thalik, une raison. Aql rajih mustaqim. Amma al-Ba'd, il pense qu'il y a des erreurs, al-Haqiqa. Le problème, ils viennent d'eux, ils n'ont pas compris. Allez, hada, ba'd al-mushrikin, yantaqidun ala Sheikh al-Islam. Wallahi, là où tu lis leur roudoud, t'ta'ajjab. Ala al-za'af, ila akhri. Limada, léana, leur aql, il a été sali par le bid'a et le shirk. Ils répondent avec des roudoud hazila. Nas'alullah, subhanahu wa ta'ala, al-tawfiq wa salam. Hadihi, muqaddima, avant de commencer la lecture de cette risala nafisa. Daïman, on se conseille et on s'entraide puis al-muraja'a et comme d'habitude on étudie hadihi al-risala bijid, pas une simple lecture, on assiste là muraja'a et on essaye de comprendre khassatan al-matl, limada il a dit hada, j'ai compris son kalam, j'ai compris rab, je résume et inshallah on fera à la fin le résumé comme on avait fait avec un autre groupe, quand on avait déjà étudié cette risala, on avait résumé le livre sur deux pages. Et la muqaddima avec toutes les choubouhats et les réponses. Hada, at-talib, ce genre d'étude, c'est une ni'ma azima. Kam min an-nas yushrikuna billah azza wa jalla, et rabbama la ya'lamun, rabbama ils ont des choubahs, ils sont fi dhulumat. Nahnu wa lillahi alhamd, on a Allah nous a facilité de pouvoir lire, de pouvoir comprendre, de pouvoir s'entraider via Allah. C'est une ni'ma et la bud min shukriha. Et al-shukr, c'est l'ijtihad. L'ijtihad, ce n'est pas une simple lecture. Là, quand on rentre à la maison, on résume, on relit. Si on n'a pas compris, on note. À la fin du livre, on a compris la muqaddima et toutes les choubas avec les réponses. Donc, alhamdoulilah, on est en application. On s'écarte du char et on montre. Si quelqu'un n'a pas compris, alhamdoulilah, on lui montre avec un kalam très très simple. نكتفي بهذه المقدمة dans le prochain livre inshallah ta'ala on commencera la lecture du matn et de l'explication de Cheikh Saleh Al-Fawzan wa alhamdulillah rabbil alamin.